secoué aujourd'hui. On a eu la chance de jaser avec Mike Gauthier. On va lui parler plus tard dans l'émission encore à Mike et vous faire entendre la discussion qu'on a eue avec lui. Mais d'abord, on parle de vos anecdotes drôles de somnambule. Là, je veux vous le placer parce que nous, c'est un ami de la famille ici à Montréal. Depuis une trentaine d'années, je connais Mario Bellemare. Dans le temps, Mario Bellemare faisait les conditions de ski à TV le matin. Okay. Tu t'en rappelles, Mario, oui, de ça? Là. Oui. On recule loin. Et Mario fait la circulation à Montréal avec Énergie au 94.3. Quand on décroche pour les publicités, nous, on lui parle tout le temps pour voir un peu comment la circulation a lieu. Parce qu'on sait bien qu'à Chicoutimi, Sherbrooke, pas Québec, vous vous entorchez de la circulation à Montréal et on vous comprend. Mario, tu as une histoire, toi, de somnambulisme que tu veux nous raconter. Puis si ça m'en veut d'être un de tes gars. Oui, c'est à l'époque où je restais à Robertval. J'avais un de mes fils qui avait 5 ou 6 ans, là, et régulièrement, ma blonde devait laver tout ce qu'il y avait dans le tiroir le matin parce que la nuit, il avait manqué la salle de bain. Il s'enlignait dans le tiroir. Il s'enlignait dans le tiroir. C'était plus simple, plus rapide, probablement. Mais là, une nuit, je me fais réveiller par un bruit dans la maison qui est pas familier. J'entends. Arc! Okay. Je ne sais pas où ce que tu t'en vas avec ton histoire, mais j'ai hâte d'avoir la suite. Moi, j'ai un Shih Tzu que je viens d'acheter, un bébé Shih Tzu, qui est à mon fils. Et il est en train de sauver son maître qui fait pipi dans le corridor. Oh mon Dieu. Fait que là, le chien s'hydrate de ton fils qui fait pipi dans le corridor. Le chien veut sauver son maître parce qu'il sait que son maître fait chier à cette fois. Mais c'est cute en même temps pour le chien. Oui, c'est ça. C'est une bonne affaire, par exemple, que tu l'as entendu durant la nuit, parce que si, mettons, il se lève le matin et il vient te licher le bout du nez... Ah ouais, c'est ça, hein? C'est pas le même plaisir. Bon, il y a une drôle d'haleine. Ce chien-là a jamais eu le doigt de nous licher par la suite. Non, non. Il s'appelle Mario Bellemare. On l'a avec nous ici à tous les jours. On est content que tu aies partagé ce micro-là avec nous. Salut, Mario. Bon show, gang. À bientôt. On s'en reparle plus tard. Simon, tu avais une histoire. Toi, tantôt, tu disais que tu l'as raconté. On va aller au téléphone dans quelques instants. Il y a Mathieu qui nous atteint à Rouen. On lui parle dans 15 secondes. Je vais te faire ça rapide. Je suis en spectacle à Montmagny. Un de mes amis, Félix, vient avec moi. On fait un peu la fête après le spectacle. Pas mal la fête. Oui. Puis on avait un appartement prêté après le spectacle. Puis lui, il va dans une chambre que la porte d'entrée, c'est une porte comme française avec des rideaux, OK? Puis il y a une porte de garde-robe. Lui, il se couche, il ferme la porte, ferme le rideau. Puis là, il se lève, il avait pissé, mais là, il trouve plus la porte. Il est pas chez eux. Parce que lui, dans sa tête, les rideaux, c'est la fenêtre. Ben oui. Puis là, il cherche, là. Il cherche la porte, rentre dans le garde-robe, regarde, puis il regarde même pas si le rideau, s'il pense, lui, c'est la fenêtre, c'est réglé. Faut que tu sois mêlé en tabarouette pour pas te rappeler par où t'es rentré dans cette pièce-là. Oui, je suis rentré ici, là-ci. Ouvre la porte, il dit, à la fin, j'ai ouvert la lumière, je trouvais pas, je suis comme, je vais pisser par la fenêtre. Il a ouvert les rideaux, il s'est rendu compte que c'était la porte. Somnambule, un peu chaudaille, mais le lendemain, pleurer de rire, on va se faire déjeuner. Un grand gars costaud, tout tatoué, qui cherche la porte. Ça fait drôle. Encore beaucoup rire. Pas à peu près. Wow. Je le disais, il y a Mathieu qui nous attend à Rouen. Salut, Matt! Salut! Hey, ton histoire de somnambule, toi, est-ce que c'est toi ou quelqu'un que tu connais? C'est moi, je suis somnambule encore aujourd'hui à 40 ans de façon très régulière. Oh mon Dieu! Puis comment ça gère, mettons, quand ça t'arrive à tous les jours à peu près, là? Je sais pas, c'est pas moi qui me gère. Ouais. Mais là, est-ce que tu as déjà fait des choses drôles pendant que tu étais somnambule? Est-ce que je peux vous en nommer? Je vais vous en nommer une. Si vous en voulez d'autres, vous me le direz. Vas-y. OK. Si tu fais ça vite, on peut en faire deux, trois. Là. Fait qu'envoie, vas-y, shoot. D'accord. Fait qu'à un moment donné, je dormais évidemment très bien et je rêvais que j'étais un chat. Donc, j'ai débarqué de mon lit à quatre pattes. J'ai marché partout à l'intérieur de la maison. J'ai monté sur le sofa et mes enfants et ma femme étaient toutes debout. Mais un chat, non. C'est dans une litière, là, ça bat des pattes rapidement. Ben oui. Même affaire que j'ai faite avec mes jambes sur le sofa. Wow! Est-ce qu'ils t'ont filmé? Parce que moi, j'aurais fait ça, là. J'ai la vidéo de ça. Oh, wow! C'est sûr que là, à l'époque des téléphones, on a tous l'habitude de filmer quelque chose de drôle. Ben oui. Pis surtout dans ton cas, Mathieu, si ça revient souvent, ça n'a pas de bon sens. Tu disais que tu avais d'autres histoires. Vas-y donc, voir. Ben écoute, j'en ai plein d'autres. À un moment donné, justement, je me prenais pour un chien. Ma femme était couchée à côté de moi. Donc, j'étais un chien dans une caverne. J'ai essayé de l'embarquer dans la caverne. Donc, je vais mettre la couverture par-dessus la tête en faisant le chien. Donc, je courais de côté dans mon lit. Hey, ta blonde, c'est une sainte, là. Ah, solide, oui. Elle endure ça tout le temps, exemple, là, tu sais. Il y a une shot de ce que je me suis levé de mon lit. À ce moment-là, à Sherbrooke, quand j'y vais là, là, je vis à Rouen, mais dans ce temps-là, je vais à Sherbrooke. Il y avait un étage, mes enfants étaient là, puis ils étaient jeunes. J'ai monté à l'étage, j'ai été chercher les toutous dans les chambres, tous les toutous. Ouais. J'ai redescendu dans ma chambre, et ensuite de ça, je me suis couché. À chaque fois que ma femme passait devant la porte, je garochais un toutou par la tête. Wow! C'est rare que j'entende des histoires de somnambule complexes comme ça. Ben oui. Tu sais, il se lève un peu mêlé, il pisse dans le corridor. Mais là, prends pour un chat, prends pour un chien, vole des toutous. Est-ce que tu as vu un show de Mesmer qui a mal viré? On me l'a expliqué parce qu'en tant que tel, je le savais pas. On me l'a expliqué par la suite. C'est pour ça que je suis capable de les dire aussi complexes. Parce qu'en tant que tel, je le savais pas. Mais là, c'est quand même créatif. Dans le bain. T'es un pro du somnambulisme. En terminant, Mathieu, est-ce que ça se contrôle ou il n'y a rien à faire? Non, ça se contrôle pas. Moi, ma femme, elle fait juste me regarder puis elle barre les portes pour faire certain que je me sauve pas parce qu'à date, j'ai pas réussi à ouvrir les peines dormantes. Puis tu te rappelles jamais de rien le lendemain matin? Non, c'est les autres qui me le rappellent pour me dire « Hey, voici ce qui t'est arrivé cette nuit. » Ça n'a pas de bon sens. Mathieu, drôle. La rumeur veut que ta blonde a t'a mis un chip comme on met sur nos valises pour pas y perdre, pour être sûr qu'elle te retrouve le matin tout le temps. Je pense que oui, moi. Salut, mon gars, à bientôt. Merci, bye. Imagine, bye. Ça t'arrive souvent comme ça. Hey. Ton chum, ta blonde, se lève à toi et nuit ou à peu près, puis il se prend pour un chat, un perroquet. Ben non, mais faut que t'en ris, c'est très drôle pour le conjoint ou la conjointe. Mais ça arrive plus ça, les enfants. Mais mon gars, des fois, quand il est bien fatigué, il peut en faire des. Mais juste, il est mêlé. C'est puis un sur épisode, couche. Mettons. Ouais, là. C'est exactement. Mais adulte comme ça, chat, chien, c'est très créatif. C'est très drôle. 6-12-12 par texto pour nous raconter vos histoires d'anecdotes. Ou encore 514-790-0943 1-800-665-5440. Bon retour à la maison. Et voici les Red Hot Chili Peppers sur Énergie. Scott Tissue that I wish you saw. Sarcastic Mr. Know-it-all. I'll close your eyes and I'll kiss you, cause with the birds I'll share. With the birds I'll share this. Push me up against the wall, young tuck girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lift your heart and taste your heel. Cause with the birds I share, it's a lonely view. With the birds I share, it's a lonely view. With the birds I share, it's a lonely view. Ça rentre au poste avec Kim Williams, Simon Delisle, Ben Gagnon. Et très heureux de vous partager aujourd'hui ces histoires de somnambulisme et d'avoir les vôtres aussi. Juste vous dire que mon fils Charles le fait régulièrement. Régulièrement. Moins maintenant, je te dirais. En vieillissant, souvent, ça se règle de plus en plus. Oui. Puis quand il le fait, il marche, puis il a un sourire d'en face. Puis des fois, il est comme, tu sais, un personnage de jeu vidéo qui reste pris dans un coin, puis qui sait pas où il s'en va. Un sim, là. Si je me lève pas, je pense qu'il passe le reste de la nuit dans le coin de la porte. Ah, c'est reste drôle. Dans une des pièces, on a un genre de walk-in et il y a un coffre coffre qui est comme rectangulaire, avec sur lequel on peut s'asseoir, tu sais, comme un genre de fauteuil coffre. Et si tu lèves la partie pour s'asseoir, tu peux mettre des chaussures, des sacs ou peu importe. Et un moment donné, il se lève, puis on l'entend marcher, clic, clic, clic, clic, clic, clic. Il rentre là, puis là, je me rends compte qu'il passe tout droit de la salle de bain. Il s'en va dans le genre de walk-in. Je suis comme, oh, ouais, oh. Il ouvre le et coffre. Je l'entends ouvrir le coffre, c'est comme un banc de toilette, et il se vide d'un chaussure, mais c'est un osto de temps. C'est drôle, c'est pas drôle. Puis là, tout le long, je dis, hey, hey, Charlot, ça va pas, là, tu. Il dit, quoi, quoi? Puis il se fait de bord, les petits. Tu sais, mon fils, il est long, puis il est mince. Fait que c'est un genre de Squidly Diddly un peu maladroit qui sourit avec de la pisse, mon gars, qui s'en va à gauche par à droite. C'est comme un genre d'arrosoir de pelouse, là. Là, tu peux pas l'arrêter, il dort. Là, plus il se penche vers moi, plus il se retourne, j'essaie d'aller vers lui, mais il m'arrose. En tout cas, ce genre de nuit chez les gagnants, c'est palpitant notre affaire. Tu sais, les bonhommes soufflés d'un concessionnaire de char quand on a gravé mais qui pisse. Et qui n'a aucun contrôle sur sa graine en train de pisser, tu comprends? Je comprends très bien. Bon, wow. On va parler avec Marc-André qui nous attend à Québec. Allô, Marc-André? Hey, salut, ça va bien? Salut, ça va super bien. Ton histoire de somnambulisme, toi? Ben moi, dans le fond, là, je dormais, puis là, j'ai rêvé qu'il y a quelqu'un qui allait taponner dans mon char dans le parking du bloc où j'habitais. OK. Là, ben, moi, flambant nu, je ramasse la couverte là, qui sert juste à s'abrier les jambes dans le divan, me met ça à ses épaules. J'ouvre la porte de l'entrée, je barre la porte, je ferme la porte, je sors dans le portique, je suis rendu tout nu dans la rue pour me rendre compte que ah, tout est beau dans mon char. Là, j'arrive pour rentrer chez nous, je suis tout nu dans le portique. J'ai pas mes clés, moi. Mais là, je commence à cogner à la porte, ma blonde, il est 2h du matin, vient m'ouvrir. Tout nu dans le portique, je pensais que quelqu'un fouillait dans mon char. Oh mon wow. Dieu. C'est drôle, ça. Fait que tu t'es retrouvé le moineau à l'air dehors en pensant que quelqu'un volait dans ton auto. Ah, puis finalement, c'était pas ça pantoute. Au mois de décembre, tu sais, juste ben à la bonne température. Ben oui, juste bien. Juste pour que ça rentre par en dedans. Ben exactement. Oui. Ça t'est sûr. Est-ce que ça s'est reproduit, Marc-André, ou c'est ton seul épisode de somnambule? Ah, mon seul épisode tout nu. Ben. Non, ah, OK. Non, les autres fois, j'étais habillé. Oh mon Dieu, c'est drôle pareil. Mais celui-là, il est marquant, on te comprend. Oh, oui, puis c'est bien que t'as raconté celle-là, c'est une bonne anecdote. Ah, ma blonde m'en parle encore. Ah, ben, c'est sûr. Je t'en parlerai encore aussi. Elle t'en parle en riant, j'imagine, aujourd'hui? Ah oui, oh, oui. Oui. C'est sûr que dans son jeu, à elle, c'est un as qui ressort une fois de temps en temps. Salut Marc-André, puis bonne soirée dans Vieille Capitale, mon ami. Merci à vous autres aussi, bonne soirée. Salut, sur la rive sud de Montréal, René est à Saint-Hubert. Salut René. Salut, comment ça va? Hey, ça va bien, puis on est super excités d'entendre ton histoire, là. Ah, ça va faire une histoire courte. Ça fait 25 ans que je travaille de nuit au Casino de Montréal. D'ailleurs, j'ai travaillé avec Kim et sa mère. Ah! Salut René! Attends, c'est-tu une histoire sur Kim que tu nous racontais ou? Non, pas non. Du tout. Alors, on se connaît pas beaucoup. Je connais beaucoup plus sa mère qu'elle. On est tellement dans la boîte qu'on peut pas connaître tout le monde. Ah, non, mais non, mais quoi que quand on est de nuit, on se côtoie quand même. Ouais. Exact. C'est ça. Je finis ma nuit un jeudi soir au Casino de Montréal et je m'en vais pour 10 jours à Saint-Tite. Je travaille dans un food truck avec un de mes chums pour y donner un coup de main. Alors, je pars de Saint-Tite du casino en finissant de travailler à 4h du matin. Je m'en vais à Saint-Tite. On rouvre le food truck à 10h le matin. On travaille jusqu'à 10h le soir. On sort après dans un des bars sur une terrasse. T'es brûlé, là, c'est sûr. Brûlé tête. C'est on sûr. Revient à la roulotte. On est 3-4. On se couche dans la roulotte. Je me fais cogner dessus à 8h30 du matin par un gars. Je rouvre mes yeux. Il dit... c'est parce que t'es pas dans ta roulotte. Attends! je regarde à gauche, je regarde à droite. Là, je dis, attends une minute, là, je rouvre la porte, je regarde à peu près 300 pieds plus loin, ma roulotte est là-bas. Mais non! Les gars, man, je suis tellement gêné. Excusez-moi, ça n'a pas d'allure. Attends, t'étais-tu couché en cuillère avec sa blonde ou? Mais pas pantoute. Il y avait personne dans le lit, une maudite bonne chance, j'aurais pu manger une sacrée volée. Ben, c'est ça. Mais en même temps, il était où le gars? Il arrivait de où, lui? Il était tard en tabarouette, là? Aucune idée où ce qui était, les trois gars. Mais une chose que je peux te dire, je suis allé me faire un café. En sortant de ma roulotte, il y a un des trois gars qui est tout nu dans le terrain de camping puis qui court comme un débile. Ah, OK, une méchante soirée. Ça donne le goût d'aller à Saint-Tite. Oui, je pense à faire à Saint-Tite. Oh mon Dieu, mais tu parles d'une affaire, ça n'a pas de maudit. Hey, le feeling quand tu te réveilles et t'es pas chez vous. Hey, ça fait 4 ans puis je me fais encore niaiser par les gars. Ben, tu sais quoi? Tu peux muser sur un autre 4, c'est sûr et certain, parce que là, tout le monde le sait. Là. Ouais, et on repart cette année pour un autre 10 jours. Ben bon 10 jours à Saint-Tite, puis mets un signe particulier sur ta roulotte pour pas te tromper. Là. Ouais. Tu peux faire ça, un gros X. Je l'aurais pas vu, j'aurais rentré dans n'importe laquelle, j'aurais dormi n'importe où. Ben oui, c'est sûr. Salut mon chum, à bientôt. Merci René. Bye bye, à Ottawa, Mike nous attend. Salut Mike. Oui, salut, comment ça va? Hey, ça va bien, on a des grosses histoires, on rit depuis tantôt, on en veut d'autres, Kim? Ben oui, on veut la tienne, Mike. Oui, et pas mal bonne, je te dirais. C'est que 5-6 ans passés, on a fait un voyage avec mes deux frères puis un de nos chums à Costa Rica. Puis on avait un genre de villa. Puis en tout cas, pendant la nuit, on entend un de mes frères qui commence à crier. Fait que là, mon chum va ouvrir la lumière. Mon autre frère, il est en train de pisser dessus. Wow. Sur le gars? Sur ton autre frère? Ouais, mon frère pissait sur mon autre frère. Hey, mais c'est drôle pareil, là. T'as été chanceux, Mike, d'être son préféré entre les deux frères, parce que sinon, ouais, c'est sur toi qu'il aurait pissé. Après, ouais. On s'est demandé qu'est-ce qu'il y avait contre, mais non, c'est pas mal. Mon Dieu. Est-ce que c'est le seul dans le clan chez vous qui fait le somnambule des fois? Ou... Ouais, il est le seul. Ah, ça, c'est drôle. Il dit heureusement. Salut Mike, bonne fin de journée. Salut, merci. Tu parles d'une affaire. C'est drôle, hein, maudit. Ben, dans toi et partie de famille, ils vont le sortir maintenant, ça. Ben, c'est sûr, mais en même temps, il faut que tu rites de ça. T'as pas le choix. Là. T'as pas le choix. T'as pas le contrôle là-dessus. T'as raison. En Ontario, il y a Tina qui est là. Salut, Tina. Oui, bonjour. Ça va? Ben oui, ça va bien, toi? Oui, je vais faire une histoire courte. Moi, dans les premières années que j'étais avec mon époux, il ne savait pas vraiment que j'étais somnambule, mais j'étais tout le temps somnambule. OK. Puis là, durant la nuit, je me réveillais, puis là, je la regardais sérieusement, puis là, je disais, il y a quelqu'un dans la maison. Puis là, il me regardait, bien, il dit, ben voyons, il dit, couche-toi, puis dors. Je dis, non, il y a vraiment quelqu'un dans la maison. Là, il se levait, puis là, vu que j'étais pressée, il disait qu'il y avait vraiment quelqu'un dans la maison, il prenait pas le temps de s'habiller, puis là, il partait avec son gros couteau, puis couru, là. Mais non! Puis là, il faisait le tour de la maison, puis là, quand il revenait dans la chambre, il disait, ben il y a pas personne, il y a pas personne. Puis là, je disais, ben qu'est-ce que tu fais là? Couche-toi, puis dors. Ah, j'ai fait plusieurs fois, là. Oh, mon Dieu, là, à un moment donné, il doit plus te croire, puis il va... Non, là, il ne croit plus. Je pense que si je dirais que quelqu'un dans la maison, il dirait couche-toi et puis dors. Oui, c'est sûr. T'as usé le gag à fond, là. C'est bon, ça, c'est correct, ça. À un moment donné, on fait le tour, c'est sûr. Au moins, ça s'est bien terminé, Tina. Oui. Vous êtes toujours ensemble, il n'est pas parti. Ça fait 35 ans qu'on est ensemble. Ah, c'est beau, ça, c'est une belle histoire. Tina, t'es fine d'avoir pris le temps de nous jaser, puis on te souhaite une belle fin de journée. Oui, vous autres aussi. Salut! Hey, il nous en reste on a tout le temps encore pour un dernier, pour un dernier. On va aller dans la belle ville de Trois-Rivières. Il y a Chantal qui est là. Salut, Chantal! Ça va? Ben oui, toi, ouais, je pense que t'en as beaucoup des histoires, là, dont une en particulier. Oui, c'est ça, j'en ai beaucoup, mais celle que j'ai... Dans le fond, je rêvais que je sauvais un enfant des flammes. Tu sais, je passais quand même sur le trottoir, puis je tendais le bras pour que le bébé était au balcon. Mais finalement, j'étais debout sur mon lit, puis je tenais comme le globe à faire la lumière du ventilateur, puis finalement, je l'ai arraché. Fait que le lendemain matin, mon ex me dit « Comment le globe est brisé? » J'étais comme « Ah! » Je me suis comme souvenu que moi, j'allais sur... Ah, parce qu'en plus, tu l'as brisé puis tu t'es recouché comme si de rien n'était. Ouais, c'est ça, comme si de rien n'était. Ah, ça, c'est donc bien. Mais déjà qu'on s'en rappelle, après, moi, je suis pas somnambule dans la vie. Je me demande toujours, justement, est-ce que les gens s'en souviennent ou faut leur raconter ce qu'ils ont fait? Dans ton cas, toi, quand t'as vu l'indice, ben, t'as dit, ah, c'est peut-être moi qui a fait ça, puis c'est revenu? Ouais, moi, je m'en souviens tout le temps. Qu'on en rit, puis des fois, je me réveillais dans la nuit, puis on riait parce qu'on se le racontait, mais souvent, je me souviens de tout ça. Fait c'est drôle. Souvent, je pense qu'on se rappelle de certains flashs sans se rappeler de tout. Oui, j'ai cette image-là en tête. Ben, c'est comme ceux qui se souviennent de leurs rêves ou ceux qui disent « Moi, je rêve jamais. » Mon rêve, mais... On s'en souvient pas tout le temps. C'est donc bien le fun. Hey, Chantal, t'es à Trois-Rivières. Fais-tu beau chez vous aujourd'hui? Fait super beau. Mais on s'en vient, on va être là vers 7h15, 7h30, OK? Mets le vin au froid. Mets le vin au froid. Merci, Chantal, pour ton histoire. Bye. Merci. Mais c'est vrai que c'est une question que je me pose tout le temps, à savoir est-ce que les gens s'en rappellent après, tu sais, parce que surtout quand c'est une grosse niaiserie. Mais le souvenir est quelque part dans ta tête. Des fois, il n'est pas complet, mais tu te rappelles de certains éléments. À un moment donné, ça s'imbrique, puis tu tiens l'histoire. C'est sur le disque dur quelque part dans notre tête. Comme les rêves, c'est une comparaison. Est-ce que, selon vous, être égoïste, c'est une qualité ou un défaut? C'est une nécessité parfois, mais ça peut être plus un défaut qu'une qualité, à mon sens. Ou ça peut être le défaut de ta qualité. Ah, j'aime ça aussi. Chaîne du nez, je vais revenir. Je vous pose la question parce que moi, j'ai appris à devenir égoïste puis je suis plus heureux depuis que je suis plus égoïste. Je comprends. Je sais que c'est un peu bizarre, mais je vous explique un peu ma théorie dans la bulle à Ben qui s'en vient dans quelques instants. Puis là, on va aller en musique avec un gars qui va être ce jeudi en Beauce aux festivités Western de Saint-Victor. Ça va être bon, c'est sûr, parce qu'on l'aime, Jay Scott. Et tout de suite, à Énergie, on s'offre Woodstock. Je sais plus où on s'en va quand je check les nouvelles. 2 minutes, gouvernées par du monde qui savent même pas combien ça coûte. Une pinte de lait. un gagnant à vie, puis un paquet d'exportés. Des élections, c'est comme on dit, tu votes pour ton clown préféré. J'ouvre TikTok, j'entends deux doutes me dire qu'il faut pas, je laisse ma blonde clober. Entre deux pubs de filles qui veulent me vendre des produits de beauté. Y'a-tu une crème qui va m'empêcher de broyer? Le gaz est à 2 piastres. Pis du buzz, c'est plus achetable. J'suis de moins en moins pis celle-là. Y'a des bonnes chances que ça revole. J't'avais de break stuff. Oh my god, oh my god. C'est sûr que j'pète une coche comme si j'étais à Woodstock. Oh my god, c'est sûr que je pète une coche comme si j'étais à Woodstock. Je veux juste boire une trou du diable autour d'un feu dans le pit de sable. Je veux qu'on aille skater dans le zéleuse jusqu'à temps qu'ils nous foutent dehors. Finir la tête dans les nuages, puis faire comme si j'étais pas tant high. Même si rendu chez nous, mon chien se tient debout comme Brian dans Family Guy. Mais non, à place, je regarde les commentaires sur Instagram. Puis je comprends mieux pourquoi y'a du monde qui veulent pas se montrer la face. Je te garantis que la terre est ronde, même si je trouve que le monde est plate. T'as le dollar de cash qui joue de la flûte comme si ça allait pas déjà assez. C'est mal. J'pense qu'on est en marde. J'ai des amis qui travaillent chez McDonald's. J'suis de moins en moins pis celle-là. Y'a des bonnes chances que ça revole. J't'avais de break stuff. Oh my god, oh my god. C'est sûr que j'pète une coche comme si j'étais à Woodstock. Oh my god, c'est sûr que je pète une coche comme si j'étais à Woodstock. J'ai envie de vous parler d'égoïsme aujourd'hui parce que tantôt, je vous ai dit, est-ce que c'est bon d'être égoïste selon vous? Puis vous aviez des opinions qui divergeaient. Puis j'aime ça parce que le mot égoïste, il fait peur souvent. Oui. Souvent, l'égoïste, il prend tout pour lui puis il pense pas aux autres et tout ça. Et je peux comprendre que souvent, c'est vu comme une mauvaise habitude que certaines personnes ont comme un défaut. Oui, puis égoïste et égocentrique, c'est pas la même chose. C'est deux affaires complètement différentes. Pas tout centré vers soi-même, mais penser à soi, des fois, c'est bon ouais. aussi. Parce qu'inversement, ne penser qu'aux autres, ouais. c'est s'oublier, puis c'est pas mieux. Exactement. Non. Et moi, je me suis rendu compte qu'un jour, quand j'ai pris la décision de devenir égoïste, je suis devenu une meilleure personne envers moi-même, mais envers les autres aussi. Je l'ai compris en prenant une pause parce que pendant des années, et encore aujourd'hui, mais tu sais, je travaille beaucoup dans la vie, mais je suis un passionné, fait que c'est pas du travail, mais c'est beaucoup de choses. Et je me rends compte que je donnais beaucoup mon énergie à tout le monde et que j'offrais beaucoup de moi à tout le monde. Et quand j'avais du temps pour moi, j'étais brûlé, mais tout le temps. Et quand j'avais le temps, mettons, de m'offrir une soirée au cinéma ou un souper avec des amis, j'étais brûlé, j'étais claqué, j'étais tout le temps comme à 40%, puis j'étais vraiment exténué de ce temps-là. Et je donnais le reste tout le temps aux autres, tout le temps, tout le temps. Puis moi, je me suis dit, pourquoi j'offre à tout le monde ce que moi, je pourrais m'offrir à moi? Puis je pense que mon énergie pourrait être meilleure. Mais j'ai commencé à inverser les rôles un petit peu et à m'offrir, mettons, plus de temps pour certaines affaires, à dire non à des invitations, à dire non à des projets. Et je me rendais compte que les moments que je passais avec moi, où je faisais vraiment quelque chose qui me fait triper, aller, je sais pas, m'en faire une game du Canadien un soir, aller au cinéma tout seul, aller souper avec un chum ou un dîner ou peu importe, le temps de qualité que je m'offrais, là, j'avais 100% de bonheur dans mon petit cœur, dans ma tête, dans mon énergie. J'étais plus patient avec la blonde, avec les enfants, avec les amis, avec les confrères du travail, parce que j'étais pas fatigué, parce que j'étais rempli de trucs qui me font du bien. Et c'est égoïste que de penser à soi d'abord. Mais quand tu remplis les batteries là, à 100% ouais. parce que tu prends ce temps-là, cet égoïsme-là, il est juste bon pour tout le monde parce que toi, t'es prêt à n'importe quoi après. Mm-hmm. Et ce que t'offres de toi aux autres, ce que je pensais avant qui était une bonne version de moi-même, c'était une version d'un gars qui est brûlé puis qui veut trop plaire puis qui veut trop dire oui. Puis je me rends compte que maintenant que je passe bien plus de temps d'égoïsme envers moi-même, mm-hmm. que je suis une meilleure personne avec moi d'abord, mais ce que j'offre aux autres, ça ressemble bien plus à ce qu'ils s'attendent. Mais oui, en même comprends? Temps, tu sais, Simon, tu l'as dit tantôt, le mot égoïsme fait peur. Ouais. Tu sais, des livres de psychopop 101 sur apprendre à dire non, ouais, penser à soi, faire les choses pour soi. On a une vie à vivre, c'est la nôtre. Mm. C'est un peu le résumé de ce que tu viens de dire. Et t'en as lu combien de ces livres-là? Moi, pas un maudit. Il a fallu que je le fasse personnellement à un moment donné pour l'essayer. Toi, tu l'as essayé parce que tu avais une curiosité, j'imagine? Ben non, mais j'ai lu des livres des fois là, qui ne sont pas nécessairement basés sur ça, mais qui te ramènent, ou des articles, mais j'en vois énormément passer. Est-ce que je les lis? Est-ce que tu es bonne pour dire non maintenant? J'apprends à dire non, c'est parce ça, que je suis quelqu'un qui dit oui. Ben, beaucoup, je suis comme, à la même place que toi, moi, tu sais. Ben, on est chanceux de faire le métier qu'on fait puis de faire notre passion comme métier, mais ça a un effet pervers parce que justement, tu l'as dit, c'est pas un travail, c'est ma passion, c'est un travail pareil. C'est pour ça qu'on a tendance, puis je pense qu'on peut tous se reconnaître là-dedans, ben, avoir de la misère à dire non parce qu'on aime ça, ce qu'on fait. Fait qu'on a l'impression que c'est jamais du travail, mais c'est né du travail. Ouais. Fait que là, on dit oui, on dit oui, on dit oui, on dit oui. Surtout quand on est pigiste puis qu'on sait jamais quand est-ce que le téléphone va arrêter de sonner, tu finis par dire oui à tout en disant, ben, c'est pas grave, j'aime ça, moi, faire de l'humour, j'aime ça, faire de la radio, ben oui. Mais à un moment donné, il y a aussi le bout de « ouais, mais c'est du travail pareil. » Tu as le droit d'avoir un moment pour toi qui ne concerne pas ton métier, même si tu l'adores. Puis c'est un travail dans lequel on est qui peut devenir plus prenant qu'un 9 à 5 ou travailler dans une business, parce que tout ce qu'on vit, on se dit « hey, ça, c'est du radio matériel. Je peux en parler. Il faut que je m'en souvienne. Je vais prendre une note. » Fait que finalement, des fois, c'est du travail 24 heures sur 24. Là. Et pensez à vous autres dans votre entourage. C'est sûr que vous avez des chums de filles, des chums de gars qui sont des vrais gentils. Oui. Ben oui. Les vrais gentils sont pas égoïstes. Parce que les vrais gentils, ils disent tout le temps oui. Hey, j'ai besoin d'un chum de plus pour déménager, tu peux être là. Ben oui. T'sais, ils disent oui à tout, puis ils sont gentils, puis ils veulent aider, puis ils veulent pas décevoir les autres. Puis moi, longtemps, mon maudit problème, c'était ça. Je voulais pas. Encore aujourd'hui, c'est un problème que j'ai parce que je veux jamais décevoir. Ouais. C'est une de mes craintes quotidiennes de décevoir mon entourage, ma famille, mes chums, la gang du travail. Je veux pas décevoir personne. Les auditeurs ici qui nous écoutent, ils nous font confiance, ils veulent se divertir. Je veux pas les décevoir. Mais pour être à mon sommet, il faut que je pense à moi aussi à un moment donné. J'ai des chums comme ça qui sont incapables de dire non. Ils sont tout le temps brûlés. Puis quand ils viennent, admettons, ils ont un samedi après-midi pour eux autres, ils pourraient être égoïstes. Faire comme, hey, là, pantoute, si tes appels, ils vont dire ben oui. Puis ils vont venir encore une fois. Alors qu'ils auraient eu besoin de la petite pause puis d'aller faire ce qu'ils ont envie de faire. En même temps, il y a un petit fear of missing out, là, la peur de manquer côté, quelque là. Chose. Puis on dirait que ah, ben, si je ne vais pas, ça va peut-être être le fun. Puis je vais être resté tout seul chez nous. Puis ben on se sent mal. Quand tu dis on peur de décevoir, la culpabilité de dire non et tout ça, j'ai peur que soit il m'en veuille ou qu'il me rappelle pas pour d'autres choses. La vérité, là, c'est que les gens importants dans notre vie, là, ils vont te pardonner puis ça leur dérange pas que tu dises « Hey, j'ai besoin d'un peu de temps pour moi. » Ceux qui sont importants puis ceux qui vont être là longtemps dans ta vie, ils vont très bien comprendre ça puis ils t'en voudront pas. Donc, soyez égoïste un peu. Il faut l'être un peu. C'est une bonne façon de miser sur soi puis d'offrir une meilleure version de soi-même après. T'sais, on a tous des réalités, payer l'hypothèque, ça coûte cher, les enfants, les ci, les ça. On arrive vendredi brûlé, peu importe ce qu'on fait dans la vie. Là, tout le monde. La vie va vite, tout passe vite. Puis à un moment donné, de prendre une pause puis d'investir un peu de temps, t'as le goût d'aller arriver à un panier de balles. Là. Vas-y, man. C'est pas grand-chose. Prends la demi-heure, prends 45 minutes. T'as le goût de manger un cornet de crème glacée tout seul dans ton char. En écoutant ton émission de radio préférée ou de la musique. Fais-les. Puis c'est ça, des fois, c'est une demi-heure, 15 minutes. Ça va vous aider d'être parti une semaine dans C'est ça, mais juste de prendre ce temps-là et d'être égoïste un peu, c'est une qualité, je pense. Ben, je pense que oui, puis ça fait réagir nos auditeurs. Hein? On a Brian de Val-d'Or qui dit merci Ben, je sois même combat. Pas de l'égoïsme, c'est de l'amour propre. On a aussi quelqu'un d'autre qui dit c'est exactement dans quoi je suis en ce moment. Ben, merci d'en parler. Ah, tant mieux. Alors, voilà. C'est d'investir sur son bien-être aussi à quelque part. Attends, excuse. C'est de l'égoïsme sain, c'est ce qu'on nous dit, parce que c'est ce que la personne a appris chez sa psychologue. Ah, j'aime ça, l'égoïsme sain, moi. Je me reconnais vraiment beaucoup dans ce que tu dis, parce que je vis exactement ça. Puis tu vois, depuis quelques années, j'essaie de le faire. Puis même quand je prévois des moments, mettons, aller voir un spectacle, je vais voir Système of a Down en septembre, juste de savoir que j'y vais, de savoir que ce moment-là arrive, ça me fait du bien, ben même avant que ce moment-là arrive. Ouais. Fait que, bravo. Il faut le faire. Soyons égoïstes et généreux quand même. Pensez à soi. Pensez à soi, c'est pas être égoïste. T'sais, même en le disant comme ça, après le 4-5 minutes qu'on vient d'en jaser, on se sent un peu mal. Soyez égoïste. Hey, non, pour les bonnes raisons. Oui, ça, puis j'aime pas ça. Au profit de faire payer les autres pour. D'accord. Là. Simon, t'aimes le cinéma? Ben, on parle de se faire plaisir. Moi, un de mes plaisirs dans la vie, c'est d'écouter des films. Ouais. L'été, des fois, c'est le fun d'en soirée écouter un film. Mais on sait pas quel choisir. Ouais. Fait que je vous ai résumé des petits synopsis de films d'été pour vous aider dans vos choix. J'aime tout ça. Moi, cette semaine, on a parlé évidemment de Papa Roach qui était en spectacle à Sherbrooke. C'était un gros show, ça a brassé, puis c'était le fun. Ils sont à Québec ce soir, à l'Agora. Et là, je viens d'aller faire un tour sur Environnement Canada. Ils annoncent une belle soirée à Québec avec 22-23 degrés. Ça va être malade et on avait envie de se gâter. Nous, on sera pas à Québec ce soir, mais on est jaloux en tabarouette de la gang qui vont aller voir Papa Roach avec Scars. Juste avant le coup de tête de Simon Delisle, voici Papa Roach à Énergie. saw myself shut. My weakness is that I can't do much, and my scars remind me that the past is real. I tear my heart open just to fail. Drunk and I'm feeling down, and I just wanna be alone. I'm pissed 'cause you came around. Why don't you just go home? 'Cause I channeled all your pain, and I can't help you fix yourself. You're making me insane. All I can say is you're going down, but you never realized that you're drowning in the water. So I offered you my hand. Compassion's in my nature. Tonight is our last stand. Belle Kim, tu seras d'accord avec moi qu'un gars qui a une vraie de vraie machine à popcorn chez eux, il doit aimer le cinéma en tabarouette. J'aime ça, le cinéma. Et comme on le sait, c'est l'été en ce moment. Hein? Oui, je suis comme ça, moi. Des grosses coupes en partant. Ben oui, c'est l'été. Hein? Faut que tu mettes du déo 5 fois par jour, sous les bras, dans la grecque de fesses et sous les seins. Hein? Que tu sois une femme ou un homme de plus de 45 ans qui aime un peu trop la bière et la salsa con queso. Alors... Tout va bien de ça. Tout va très bien. Mais t'as pas 45, t'es plus vieux que ça. Ouais. Alors, on continue. C'est pas vrai. Moi, j'en ai des petits tétons. Alors, et... Puis, après une journée à courir après les zones d'ombre pour pas finir à ressembler à un vieux divan de cuir, rien de mieux que s'effoirer dans un sofa pour écouter un bon film. Ben okay? Oui. Hein? Alors, pour vous aider dans vos choix et éviter de passer 7 siècles à scroller sur Netflix, je vous ai préparé quelques synopsis de films que je qualifierais d'estival. Que ce soit parce que ça se passe pendant l'été, que ça parle de vacances, ou juste parce que j'avais une bonne idée de joke au sujet de ce film-là. Hein? Pour moi aussi, c'est l'été. Disons que ma rigueur est comme le jugement de Bernard Drainville, pas toujours là. Donc, voici mes choix de synopsis de film. Ah, hein? Là, podcast officiel. Ça met la table. Tellement. Premier film, Jaws, hein, les dents de la mer. Oui. Ne pas confondre avec les dents de ma mère qui sont dans un petit verre avec du polydent. Wow. Jaws, au large de la petite île d'Amity Island, un grand requin blanc qui vient sûrement de passer par la SQDC pogne solide munchies et commence à manger les baigneurs en vacances. Le chef de la police qui a peur de l'eau, un biologiste marin un peu sur le jus et un capitaine de bateau avec des syndromes post-traumatiques décide d'aller le chasser. Tu sais, une bonne idée. Le film est excellent jusqu'à ce que tu finisses par voir le requin puis dire que c'est un robot. Ça, c'est vrai. Un classique. Ah, c'est évident, hein? C'est le pire requin qu'on a vu de notre vie. Ben, puis le fait qu'on le voit pas, ça donne toute l'attention du exact. Film. C'est un coup de génie de M. Spielberg. Mon prochain, Dirty Dancing, danse lascive. Une fille de 17 ans, qu'on surnomme bébé parce que, tu sais, s'inscrit dans une troupe de danse pendant ses vacances d'été et finit par développer une relation avec son professeur de danse, Johnny, qui n'a vraiment pas 17 ans. Hein? Ah, ils couchent ensemble pis tout, ils dansent ensemble pis tout. Une belle histoire de limite pédophilie et d'abus de pouvoir, mais qu'on se souvient surtout pour la phrase « On ne laisse pas bébé dans un coin ». Ah, les belles valeurs des années 80! Même, c'est moins charmant. Hein? Ouais, 2025, ça passera un peu ça moins. Ça passe vrai. Moyen, ouais. Patrick Swayze. Beethoven, le chien Beethoven. Une famille adopte un Saint-Bernard qui entre chez eux sans l'avoir vu d'où il venait. Le petit chiot devient un fucking monstre et détruit progressivement la maison et la santé mentale du père. Pour se rendre compte que le chien s'était sauvé d'un entrepôt rempli de chiens où un vétérinaire mesquin les utilisait pour tester des nouvelles armes à feu. Ben oui, on se rappelle pas, mais c'était ça. Parce que c'est connu. La façon la plus simple de tester un gun, c'est de kidnapper des chiens, les nourrir, les mettre en cage et attendre qu'ils soient assez gros. Impossible d'utiliser un mannequin, ça serait ben trop simple. Mais ça finit bien, la famille trouve l'entrepôt et sauve tous les chiens qui sont enfermés, puis les garde chez eux après. Un film familial qui finit en film d'horreur. Ah! Seul au monde, Castaway avec Tom Hanks. Ouais. Un représentant pour FedEx est victime d'un écrasement d'avion dans le Pacifique et se retrouve seul sur une île déserte pendant plusieurs années. Il mange du crabe, il fait des feux, il se met avec un ballon de volleyball. Tellement qu'à un moment donné, on se dit, pourquoi il se plaint, lui, Chris? Camping sauvage. Oh. Guillaume Lepage tente tant bien que mal de jouer le rôle d'un délateur qui se cache dans un camping après avoir dénoncé des collègues de travail qui voulaient faire un délit d'initié. Un film qui te fera dire « Hey, c'est pas si pire que ça, les infos pubs, finalement! » Wow. On continue. Madame Doddfire. Oh. Ah, ben oui, un classique. Un homme qui vient de se divorcer parce que sa femme ne le trouvait pas assez fiable décide de se déguiser en vieille madame pour devenir la gardienne de ses enfants sans que sa femme le reconnaisse. Quoi de mieux quand on te reproche de ne pas être fiable que de te déguiser en vieille madame pour passer du temps avec tes enfants? Hein? Ironiquement, un film adoré par des gens qui chialent beaucoup sur Barbada qui lit des livres aux enfants dans les bibliothèques. Bon point. Bon point. Bon point. Bon point. American Pie, folie de graduation. Oh, hein? Sois prudent, là. Oui, oui. J'arrive. Tu vois, ça finit qu'une joke de tarte. Je serais déçu sans ça. Voilà, c'est ça. Laisse-moi aller, je suis un professionnel. Ça va passer comme dans du beurre. Oh. Une gang de jeunes hommes sur le point de finir leur secondaire, le high school, ils vivent le bal de graduation, se font le pacte de faire l'amour avant la fin du party de bal de finissant. Un film qui aurait coûté cher de procès s'il était sorti en 2025 et qui souligne deux morales très importantes. Le consentement, c'est une priorité. Puis si t'as vraiment envie de fourrer une tarte aux pommes, là, fais pas ça sur la table de la cuisine en plein jour. Prends-toi une pointe puis va dans ta chambre. Wow! Qui grince sa table en plein après-midi. Ben oui, c'est chose. E.T., l'extraterrestre! Ah, un classique. L'histoire d'un extraterrestre qui ressemble à un gros ciboire de tapons de steak caché avec un doigt en lampe de poche. Demande l'aide d'enfant pour retourner chez lui, c'est-à-dire chez Harvey's! Et finalement, je l'ai rajouté vu les nouvelles d'aujourd'hui. Le petit Nicky, avec Adam Sandler, le fils du diable, revient sur Terre pour reprendre ses frères qui se sont sauvés de l'enfer et que son père, Satan, est en train de mourir. Uh-huh. Je vous dirais que le film est moyen, mais à la fin, Ozzy Osbourne mange une chauve-souris par la tête. Ça. Juste pour cette scène-là, je pense que ça vaut la peine de l'écouter. Bon cinéma! Yeah! Yeah! De Simon. Simon Delisle. Non, c'est excellent. Tu nous as fait beaucoup rire. Première des choses, mais c'est vrai que ces films-là, c'est des films qui sont marquants aussi. Ben oui. Pas mal à part ça. Il y a des gens qui réagissent là au décès de Ozzy Osbourne, qui viennent de l'apprendre, qui l'ont peut-être vu passer sur leur téléphone intelligent. La nouvelle est partout, mais Ozzy Osbourne est décédé ce matin, entouré de sa famille, de ses proches, et la famille qui a laissé sortir comme ça un communiqué de presse pour nous l'apprendre en début d'après-midi. Mais le prince des ténèbres est décédé aujourd'hui, à peine 3 semaines après ce dernier grand concert dans sa ville à lui, avec ses amis et avec les gars aussi de Black Sabbath. C'est grandiose. Je serais pas surpris de voir une éclipse d'ici la fin de la journée. Là. Même si c'est pas annoncé, là, s'il est mort, le prince des ténèbres, là, on devrait vivre les ténèbres quelques minutes. Ce serait la moindre des choses. Il va y avoir quelque chose, c'est sûr et certain. Simon, merci pour ton moment qu'on peut réentendre sur le podcast de iHeart Radio pour le podcast de Ça rentre au poste, simondelisle.ca, pour aller chercher vos billets et voir ce jeune homme-là tellement talentueux en spectacle. C'est le nom. Cinq. C'est ça aujourd'hui. 5. Quand ça nous arrive, ça dure en moyenne 5 minutes. Ça nous arrive. Chez vous, on appelle ça un excellent mardi soir, dans la vie de tous les jours. Je l'accepte. J'avais dit 4, il m'a rajouté une minute. Je suis content. Moi, je suis là pour ton ego. Ça dure 5 minutes. Ouais, quand ça nous arrive, ça dure en moyenne 5 minutes. Se faire mal, la douleur. Non, c'est pas ça dépend. Un petit orteil, c'est un coin de lit. Oui. Faire caca. En moyenne, ça dure 5 minutes? Je sais pas. Ça dépasse de ton téléphone ou pas? Oui, non, c'est téléphone. Non, c'est pas de téléphone. Le maudit téléphone, ça a prolongé la durée de vie d'une crotte. Hein? Oui, c'est ça, oui. On va se le dire, là. Oui, puis les bidets de plus en plus efficaces à cause de ça. Tu penses, hein? Surtout les portatifs. Il y a des gens qui ont ça, ça a l'air. J'ai ça, moi. Hein? Quand je vais à l'hôtel, je pourrais plus m'en passer. C'est un peu bizarre. Le rime capricieux. Mais ça dure que 5 minutes. Ah, tu dis que t'as le rime capricieux. J'ai dit ça. Le ring capricieux. Le rime. Ah, capricieux. Le ring, c'est encore pire. Ring. Lord of the Rim. La communauté de l'anneau. Oh, le silence des agneaux. Oui, oui. C'est le silence des anneaux. Le retour du roi. Alors, continue. Alors, quand ça nous arrive, ça dure en moyenne 5 minutes. On va avoir vos réponses. Ça se passe au 6-12-12. Le quiz à Ben s'en vient. On va parler de dessins animés cultes aujourd'hui. Oh, oui. On va retourner dans le temps. Les nostalgiques, vous allez vous retrouver. Puis ça va être vraiment, vraiment cool. On va se faire ça un petit peu plus tard. Et ça va se passer ici dans votre radio préférée. L'album célèbre ses 22 ans aujourd'hui. Le 22 juillet 2003. C'était la sortie de l'album Elephant des White Stripes. Comment on fait ça? Comment on fait ça, la gang? En les écoutant. En les écoutant. Dans quelques instants, dans votre radio préférée, Seven Nation Army! Au retour. Dans Ça rentre au poste. La circulation est une présentation de l'intendance de Québec qui vous invite à faire preuve de courtoisie à vélocipède, à pied ou en carrosse, car faire le colon sur la route, c'est dépassé. Ici Isabelle Villot, incident dans la bretelle du Plessis-Sud vers le pont de Québec qui se trouve rétréci. Congestion Henri IV vers les ponts depuis le chemin des Quatre-Bourgeois. Dans l'autre direction, lourd sur l'autoroute de la Beauce depuis le secteur de l'Avin. Incident sur Robert Bourassanard près de Le Bourgneuf. Ça refoule depuis Père-le-Lièvre. Lourd, Capitale-Est de Saint-Jacques à Pierre-Bertrand. Canadian Tire soutient Bon Départ. Bon Départ aide les familles à surmonter les obstacles financiers liés au sport et aux jeux. Donnez à bondépart.canadiantire.ca. Jean-Pierre, client d'Antirouille Métropolitain depuis 2004. Mon petit VUS me sert été comme hiver depuis des années. Je l'adore. C'est le deuxième véhicule que je confie à Antirouille Métropolitain. S'il est encore en aussi bon état aujourd'hui, c'est grâce à leurs experts et leurs produits développés ici. Chaque année, je le fais traiter parce que ça marche et je vais continuer aussi longtemps que ça va marcher. Pour un temps limité, profitez du rabais estival de 20 $ d'Antirouille Métropolitain. Grouille avant que ça rouille. Sur les routes du Québec, pour chaque arrêt, il y a un village relais. Il y a Saint-Émilie d'Énergie pour recharger vos batteries. Ou la Guadeloupe pour un bain de soleil. Ou un bain tout court. Pour les petits creux, prenez une bouchée à Lac Bouchette. Et avant d'arriver à bon port, pause toilette à Port-Cartier. Pour le plein d'essence et d'amour, petit stop à Sacré-Cœur. Et en cas de mauvais temps, passez une belle longue nuit à Montjoly. Les villages relais du Québec, toujours une bonne raison de prendre une pause. Un message du gouvernement du Québec. À Québec, votre réveil, c'est la gang du Boost. Tu sais, Max Côté, là, il est allé direct dessus. Il dit, je suis pas capable de siffler. Moi non plus. Hé, hey, Vince! On est deux, Max. Essaye les dents, voir. Jean-Calin, est-ce que tu siffles? Oui. Vas-y donc. Hein. Avec ta voix. Il lève sèche le matin. Il fait toutes sortes dans la bouche. Normalement, oui. 0-3-4 ce matin. Okay, on va te donner une deuxième chance. Colin. La pression, mon gars. Du lundi au vendredi, dès 5h25. Au 98.9 Énergie. Jusqu'à 50% de rabais? Oui, oui, vous avez bien entendu. La grande liquidation Aubainerie est commencée. Des vêtements pour toute la famille à prix ultra réduit. Dépêchez-vous, ça part vite. En ligne, en magasin ou dans les Aubainerie entrepôts. Du réalisateur de Père en flic et menteur. Moi, s'il y a deux mots que je peux pas résister, c'est donjons puis dragons. Fais attention aux mensonges de trop. C'est pas des mensonges, c'est des petites exagérations qui rendent le monde heureux. Mettons en vedette Anne-Élisabeth Bossé et Antoine Bertrand. Film très drama queen. Pourquoi ces choses arrivent juste à moi? Pourquoi? Il faut lui dire que c'est un mensonge, que tu t'excuses, que je redevienne normal. Menteuse. Maintenant au cinéma. Imaginez ceci. Une soirée cinéma confortablement installée sur un sofa en cuir italien. N'oublie jamais que je t'aimerai toujours. Maintenant, imaginez la même soirée sur un luxueux sofa en cuir de chez Gagnon Frères. N'oublie jamais que je t'aimerai toujours. La différence est dans le service et dans vos poches. Gagnon Frères, bien commode depuis 1904. Téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez-le en semaine dès 5h25. Le matin, plus de classiques, plus de fun. 98.9 Énergie. Flash emploi, Énergie. Êtes-vous prêt à prendre le volant de votre prochaine carrière? Manitoulin Transport recrute présentement à son nouveau terminal de Lévis. Broker, propriétaire exploitant avec camion porteur deux essieux pour la ville de Québec et environ. Et nous recrutons également un team chauffeur propriétaire pour longue distance. Si vous êtes un professionnel motivé, axé sur la sécurité et désireux de faire partie d'une équipe gagnante, nous vous invitons à postuler dès aujourd'hui. Visitez la section carrière de manitoulintransport.com et découvrez un avenir rempli de possibilités sur la route. Hey, vous savez pas quoi? Provision Saint-Odile t'offre la caisse de 12 canettes de Bud et Bud Light à seulement 18,99. Oui, s'en fout de même. Passe aussi voir leur grand choix de bières de microbrasserie. Provision Saint-Odile, 137 des chaînes Ouest, Québec, à deux pas du Colisée. L'été, c'est fait pour jouer dans l'eau. Au Village Vacances Valcartier, arrêtez de vous fier aux icônes météo. Ici, les journées sont toujours chaudes. Réservez sur valcartier.com et économisez 5 $ sur le billet journalier. Village Vacances Valcartier, votre incontournable de l'été. En juillet, chez Cartier Chevrolet, la grande vente sous la tente se poursuit. Profitez de rabais incroyables et d'un taux de 4,99% sur nos véhicules d'occasion sélectionnés. Cartier Chevrolet, Henri IV, sortie Sainte-Geneviève, 847-6000. Membre du groupe d'Aigle. 98.9. Disponible sur iHeartRadio. À job ou en vacances, votre heure de lunch se passe avec la référence musicale Mike Gauthier. Stéréo Mike, demain, 11h25. À Québec. De classique. Tout l'été. 98.9. Environ 24 degrés en moyenne partout au Québec, sous le soleil pour la majorité des régions. Et Jean-Luc Lejeune débarque avec les informations Nouveau Info. Ben Jean-Luc, la grosse nouvelle du jour, c'est le décès du légendaire Ozzy Osbourne. Oui, c'est la famille Benoît qui a émis un communiqué, quelques mots seulement, pour dire que Ozzy Osbourne est mort entouré de l'amour de ses proches, sans préciser toutefois les circonstances ou les causes de la mort. Celui que l'on surnommait le prince des ténèbres s'est éteint à l'âge de 76 ans, un peu plus de deux semaines après son concert d'adieu en Angleterre. Un concert peut-être court, mais mémorable. Voici de quelle manière il a présenté sa toute dernière toune. Un Crazy Train. J'ai la chair de Paul. Wow. Pendant ce concert, Ozzy a repris quelques-unes de ses plus grandes tunes individuelles, mais avec Black Sabbath, ouais. Des hymnes connus des plus âgés aux plus jeunes. Osbourne a révolutionné la musique avec son groupe de heavy metal Black Sabbath dès 1970 avec Paranoid. Sa mort est saluée par les plus grands dans le monde de la musique. On parle d'une voix unique, cru, sincère, qui exprime un sentiment d'urgence. Ouais. Deux fois, il a été intronisé au temple de la renommée du rock and roll, avec sa carrière individuelle, mais aussi, évidemment, avec Black Sabbath. Maintenant, dans un tout autre dossier, on connaît maintenant les circonstances de la mort de la petite Mélina Fratolin, la Montréalaise âgée de 9 ans, qui a été retrouvée dimanche dans un étang dans l'État de New York. Alors, l'autopsie conclut qu'il s'agit d'un meurtre et que la petite fille est morte par asphyxie en raison d'une noyade. Ah. Le père de la victime, Luciano Fratolin, a été accusé hier de meurtre au deuxième degré. Et puis, on termine... Ça, ouais. Ça me secoue des affaires comme ça. Ouais. Ouais. Et on termine en parlant de Denis Coderre, qui l'annonce, il tourne définitivement la page sur la politique. Ah. Âgé de 60 ans, il va devenir ambassadeur pour les résidences... Soleil! Les résidences soleil! Pour vrai, de vrai, hein? Ben, écoute, c'est son crowd. Ah oui, mais... directement. Il est en train de se réserver un 5,5 pas cher. Ah, là, ben, J'aime ça, ouais. Ben. Oh, et let's go, Denis. Fait que je complète ça comme ça, Ben. Merci. J'étais en train de repenser à ta nouvelle sur Ozzy Osbourne. Ouais. Et l'extrait que tu as fait entendre d'il y a 3 semaines, il sonne pas comme un gars qui va mourir 3 semaines après. Ben non. Il était là cette journée-là. C'est juste la charge d'émotion, d'énergie qui doit avoir de la foule et des gens autour de lui. Ça devait être, il devait flotter. On connaît pas les causes de la mort. On sait qu'il souffrait de Parkinson. Semble-t-il que le Parkinson, ça peut hypothéquer ton système. Mais il a quand même chanté, là. Ouais. Alors, pour un gars de 76 ans malade, c'est exceptionnel. C'est le prince des ténèbres, il s'est rendu jusqu'à la fin. À petite échelle, j'ai déjà fait des shows. J'étais pas dans cet état-là. J'étais pas en très bon état. Mais la charge que le monde te donne, l'énergie que la foule te donne, dans ce cas-là, c'est fois 1000, là. Il a pas dû sentir quoi que ce soit de douleur, quoi que ce soit ce soir-là. Un gros rush d'adrénaline qui embarque, c'est sûr. Jean-Luc, on se reparle tantôt. Bye. Merci. Mon gars, les dessins animés cultes que vous avez aimés, le quiz à Ben, ça va être ça tantôt, ça va être vraiment le fun. Et dans quelques instants aussi, on vous donne la réponse. Quand ça nous arrive, là, ça dure en moyenne 5 minutes. Allez-y, toutes les jokes non que vous voulez faire, ça me dérange pas, mais on cherche une bonne réponse. Je pense que le 6-12-12, il y en a une couple qui l'ont eu. Je pense que oui. Vous pensez que oui? On va le savoir dans quelques instants. Mais là, aujourd'hui, on vous le disait, 22 ans aujourd'hui pour l'album Elephant des White Stripes. Plusieurs les découvraient avec Seven Nation Army. Et quand on parle de grosses tunes, plus de classiques, plus de fun, celle-là, elle arrive au bon moment. Vous êtes à Énergie. And I'm Seven Nation Army. Ah, que c'est bon! Seven Nation Army avec The White Stripes. Merci à tous ceux et celles qui sont là depuis tantôt. La gang de crinqués qui nous écrit au 6-12-12. Merci beaucoup. Il y a du monde qui m'écrivent sur mon Instagram. D'ailleurs, si vous ne suivez pas Kim encore sur Instagram ou Simon, allez faire un tour. Puis pour ceux qui ne me suivent pas non plus, venez-vous-en. C'est trois comptes le fun. Toi, le Québec au complet, tu suis déjà. Non, pas du tout, pas du tout. Mais quand même, il y a énormément de gens qui pourraient triper sur ce qu'on offre comme contenu. Alors ça, vous t'en venez-vous-en. Plus on est de fous, plus on s'amuse. Si vous tripez sur plein de sortes de produits, de trucs, d'activités, Kim, t'es forte là, tu t'en fais plein. Simon, il y a plein de moments d'humour. Oui. Puis moi, il y a de la bouffe en masse puis des sorties. Fait que je suis jamais à vous tendre. On est là puis on est bien, bien dispo. 5 est le chiffre et le nombre d'aujourd'hui. Quand ça nous arrive, ça dure en moyenne 5 minutes. Vous disiez tantôt qu'au 6-12-12, peut-être des gens qui l'ont trouvé. C'est la hockey. Oui, est-ce que c'est ça? C'est ça, bonne réponse. Oui, exact. Quand je disais, c'est ça, coche. Quand on dit qu'il était hot, la gang d'énergie, ben, c'est pas mal ça. C'est très, très fort. Alors bravo, vous l'avez trouvé! C'est le quiz à Ben! Que vous soyez en vacances aujourd'hui ou encore au travail ou juste bien relax à la maison, peut-être en télétravail, puis là vous avez le droit à votre petite pause, on va jouer ensemble parce qu'on a tous été marqués par des dessins animés qui sont cultes. Ben, qui ont été importants dans notre vie, peut-être dans la vie de vos enfants aussi, peut-être dans la vie de vos frères et sœurs plus jeunes ou plus vieux. Donc vous les avez entendus ces thèmes-là et là on a envie de s'amuser avec vous aujourd'hui parce que, bon, on dit que c'est facile, mais un quiz c'est jamais très très facile. Ouais, puis tu sais. À part le quiz de gars, de filles, des fois, t'es frustré. Mais là, on n'est plus en compétition. Dans ce quiz-là, on joue ensemble. Oui, c'est vrai. Puis on est meilleurs ensemble. Puis on est encore meilleurs avec vous autres au 6-12-12. Bon, on va se faire ça. Voici comment ça va marcher. On vous donne un extrait, donc, de ces thèmes de dessins animés cultes. Et si vous les savez, vous avez le droit de les chanter, vous avez le droit de les hurler, peu importe où vous êtes. Rappelez-vous qu'il y a peut-être des gens autour de vous, par exemple. Tu sais, des fois, ça peut être gênant si tu te laisses emporter par des méthodes. Ouais. M'amener, calme tes nerfs! M'amener, je sais pas, là. Je peux rien te promettre, Ben. Moi, j'oublie qu'il y a des gens, là. Oui, on va se laisser emporter. C'est ça, là. Mais amusons-nous et allons-y dans la nostalgie, le pied dans le fond, et on commence avec celle-là. Enfant du soleil, tu parcours le même ciel. Oui. Cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis. Mais tu sais quoi? Vas-y, va. Je tripais pas du tout sur cette émission. C'est vrai? Mais rapidement, les deux, là, vous avez un énorme sourire sur votre visage et vous avez trouvé rapidement... Les Cités d'Or! Ouais, mais... les mystérieuses Cités d'Or. Aussi, j'aimais la toune, j'écoutais la toune puis je changeais de poste. Le générique d'ouverture était beau, mais j'écoutais pas l'émission. C'était, c'était bizarre comme... un peu. C'est vrai que c'était pas le dessin animé le plus... Dans ces années-là, je te dirais que les prémices des choses pour enfants, c'était ouh là là! Tous les dessins animés étaient weird dans ce temps-là. C'était trop instructif pour moi, on en a dit. Trop dans l'histoire. On voulait se laisser porter par les histoires, plus par, par les personnages, des choses comme ça. OK. Parlant de personnages, dans celle-là, il y en avait une couple. Voici venir les papa-papa. Bah, j'ai pas écouté ça, moi. C'est plus. T'as pas écouté ça? Un peu, non. C'est barba-papa-papa, ouais. Là, je sais pas trop. Donc, clairement, t'es pas de la génération des barba-papa. Non. Moi, plus mon frère Jérôme, qui a 3 ans plus jeune que moi. Luc aussi. Luc, c'était-tu dans ton temps, ça? Ah, j'ai trippé. Moi, j'ai trippé là-dessus, là. Barba-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa. Ben, toi, tu t'expliques tellement de choses. Ben, c'est ça. Toi, tu t'es changé en barba-papa avec le temps. T'es devenu un peu un barba-papa. Ça, c'est les bonhommes mauves, là, comme une famille. C'est une famille au complet. Une tache de couleur. Ben, c'est ça. Mais Luc, juste comment Luc nous racontait son expérience avec des barbes à papa, ça explique comment il nous parle à tous les jours quand il nous appelle pour l'émission d'aujourd'hui. Attends, tu regardes les bonhommes, tu dis, on dirait juste une gig de on n'a pas des bons dessinateurs. Faites ça simple. Exact. Juste des ronds avec une couleur, ça te fait correct. Mais c'est des bons souvenirs. Ben, ouais, mais c'est un peu trop facile parce que ça donne le titre de l'émission dans le quatrième mot de ce qu'on vous a fait entendre comme extrait. On y va avec un autre. Go! Du petit castor, le plus petit mais le plus fort. Dans la forêt, au milieu de tous les amis. Ils se sont trompés. Là, on a le Yellow Molo sous l'autre ligne qui veulent qu'on arrête de la jouer. Ça a l'air tombé fâché. Ah oui, mais c'est effectivement le petit castor. Ça aussi, je m'excuse, mais il se faisait brasser, le petit castor. Ben, le plus petit, mais le plus fort, qui mangeait une drince. Il en mangeait des claques à la gueule. Ouais, il était très rocky, genre. L'important, c'est pas les coups que tu donnes. C'est le nombre de coups que tu peux recevoir et te relever quand même. C'était beaucoup ça aussi. C'est vrai qu'on enseignait aux gens avant. Mais dans ce temps-là, c'était beaucoup ça. Puis je vous l'ai dit l'autre jour, je vous l'ai raconté. À un moment, il ressortait les coffrets en DVD de ces grands classiques. classique-là. Oh. Puis j'étais super excité. J'amène ça à la maison avec Mathieu et Sophie, qui étaient pas mal plus jeunes dans le temps. Puis je dis, hey, ça, c'est ce que moi, j'écoutais quand j'avais votre âge. Écoute, après 38 secondes, ils étaient complètement désintéressés. Oui. Ils avaient juste hâte de faire d'autres choses. Ça leur parlait pas, eux autres. Ils ont pas connecté, pas une maudite seconde. Fait que t'es attaché, puis vous allez finir le coffret. Ça va coûter cher à papa. Ouais, c'est exactement ça. J'ai été élevé par le petit castor. T'es un gars. Ben, ah oui, je les ai menacés de. Ah oui, j'en veux une autre. Je les ai menacés de... Je sais pas, toutes leur couper leurs affaires. Genre. Franchement, c'est sûr que tu ferais jamais. Ils enlèvent du testament. T'as vu quand j'ai eu de la misère à trouver la conséquence, parce qu'il n'y en avait pas de conséquence chez nous. C'est pas mal ça. OK, un autre! Ben oui! Et là, qui va là? Inspecteur Gadget. Et là, ça va là. Ouh, Inspecteur Gadget. Go Gadget au bras! Ce qui me fait rire, là, c'est que j'aimerais que les gens puissent vous voir, parce que dès que le thème part, vous devenez Kim, 6 ans, et Simon, 7 ans. Oui. Deux enfants, votre visage change de forme. Gadget, touche, chapeau! Oh mon Dieu, vous faites des gestes que juste les enfants peuvent faire. Est-ce qu'on Gadget, ça, c'était nice. Ben ça, oui. C'était le fun. Qu'est-ce que vous aimiez de l'inspecteur Gadget? Quand mettons? Il se mettait ses patins à roulettes, il dérapait partout. Moi, avec son grand trench. Il y avait, tu sais, c'était clair qui était bon, qui était méchant. La jambade avec juste une grosse main qui a un gang des studs. Gadget! Ouais. On le voyait jamais. Pour tout. Vrai, hein? Avec le chat méchant, oui. C'était parfait. Le prochain, okay. Vous avez le droit de me juger parce que je le connais pas. Hein? Alors? Boumba, boumba, petite automobile, bille, toujours paraît si fragile, gile, sous ton droit de capot. Boumba, boumba. Alors, aidez-moi, là. C'est qui, Boum Boum? C'est quoi, Boum? Quand tu respires une fleur, ça fait Boum Boum dans ton cœur. Et tu deviens... Tu mécanique, tu deviens... Boum Boum magique! T'es pas sur le bon beat, mais... Non, c'est pas grave. Avec qui, c'est pas grave, c'est normal. Oui, c'est est-ce ça. Que vous avez consommé aujourd'hui? Est-ce que... Non, c'est vous êtes juste complètement hystérique, ça me fait rire, j'aime ben, ça. Boum Boum, c'est une... C'est quoi, Boum Boum? Ben, c'est une voiture comme, qui était vivante, puis quand elle respirait une fleur, elle devenait super performante, puis elle était capable d'aller super vite et tout ça. Oui, puis ça, c'était dans le même temps que Mimi, cracra, l'eau, elle aimait ça. Encore un peu d'eau pour Mimi, cracra, c'était genre... Hey, ça va. Mais il y avait Bumbo, puis il y avait dans le générique, il y avait comme plein d'autres voitures vivantes que tu voyais jamais dans cette situation-là. On voulait voir elle qui était un jet, elle qui était un. Elle avait tout ça, là. Mais on les voyait pas, on voyait juste Bumbo. Je suis en train de regarder les photos de Bumbo, puis ça me rappelle aucun souvenir. C'est pas grave, regarde. C'est pas de ta génération. T'es pas toute seule, il y a Manon Goyette, ses ozos, t'as dit moi non plus, je connais pas ça. C'est après la télé en noir et blanc, bien. Merci, Manon. On en fait-tu un autre? Ben, mais ça. Oui. Ah, je sais pas. Ça peut pas finir, cette émission, ce jeu-là. Il y en a plein de bons. Oh mon Dieu, il y en a plein de bons. Kim, tu vas être contente. Le 7, mettons. Le 7, là, on l'a-tu le 7 pas loin? Oui, parfait. Dans 3, dans 2, dans 1. Au pays de Candy. Ah, ça, c'est pas... Oui, c'est ça. Non, je suis pas contente, j'écoutais pas ça. C'est ça. Pour vrai, de vrai? Non, j'écoutais pas ça. C'est Joe, Candy. Dans les Alpes avec Annette. Où le ciel est toujours bleu. C'est genre de petites émissions-là que c'est le bonhomme de neige, tu te souviens-tu de tout ça? Ah oui, que... Bouli, Bouli, Bouli, un chapeau gris, une écharpe rouge. Voilà Bouli avec son petit lit rouge. On a créé Bouli, un monstre. Un genre de karaoké nostalgique de dessin animé. Ah, regarde, tu... moi, il y avait Bouli le bonhomme de neige au 6-12. Arrête de parler, Ben, on chante, nous autres. Oui, on aime ça. Moi, là, je vous propose ce soir d'aller prendre un verre après, juste vous deux, et vous chantez comme ça pendant une heure ou deux, juste des thèmes de dessin animé. Puis blackmailer après. Oh, mon Dieu. Mais on est bien nostalgique, puis quand on joue avec ça, cette fibre-là, ça fait toujours du bien. Puis effectivement, au 6-12-12, ça n'arrête pas depuis tantôt. Hey, on refait ça, là. Il y en a plein d'autres des émissions. J'adore ça. Il y en a plein, ben on le fera. Robin Stella. Oui. Ah. T'es comme déçu qu'on l'ait pas joué, c'est ça. C'est plus instrumental, il n'y avait pas de parole. Ben, c'est pas grave, j'imagine les images. Ouais. Ouais, ça, là, on a fait les dessins animés, mais il y a aussi les émissions jeunesse. Oui, absolument. Ça, on peut faire du millage là-dessus. Ah, ben oui, mais là, c'est ça. Moi, j'ai tout mêlé ça, la patente, vous savez. C'est pas grave, c'est complètement toi. Ben, c'est ça. On t'aime de même, je touche à rien. C'est l'été, on l'a dit tantôt, il y a bien des road trips qui vont se faire. On veut vos meilleurs spots secrets. Oh. Un spot de road trip où tu passes dans tel patelin, dans telle ville, puis tu sais qu'il y a une bicoque à patates frites dans ce coin-là, puis les frites sont écœurantes. Mon père faisait ça, moi, dans Charlevoix, dans le temps, je vais raconter l'histoire, mais il y avait un spot où on arrêtait tout le temps, puis je capotais toutes les fois, moi. Puis des fois, ça peut être votre spot où vous aimez arrêter, c'est une auberge, ça peut être une cantine, ça peut être une crèmerie. Votre spot de road trip au sens large. Mais t'as pas le choix, là. Tu passes là, t'arrêtes. OK. On va faire ça. Si ça vous tente de participer avec nous et nous raconter et nous offrir vos meilleurs spots, 6-12-12 par texto, 1-800-665-54-4. 40 et le 514-790-0943. Il nous reste une heure et des poussières à passer ensemble. Vous restez là, la gang, parce que dans quelques instants, R.E.M. s'en viennent. Ben Gagnon, Kim Williams et Simon Delisle. Vous l'offre au retour. Énergie. À Québec, les animateurs du Boost ont pas mal plus de succès avec leur job qu'avec les filles. Vince, je sais pas qu'est-ce que tu serais prêt à faire pour une femme. Je suis quand même désespéré. OK, parfait. Le Boost avec Pierrick Lacroix, Vince Cochon et MCC. Plus de Boost, plus de fun. 98.9. Énergie. Ici Isabelle Villot, ça reste lourd vers les ponts sur Henri IV depuis le chemin des Quatre-Bourgeois. Pas grand-chose via Duplessis. L'autoroute de la Beauce en direction nord depuis les chutes de la Chaudière, c'est plus dense. Capitale-Est lourd entre Saint-Jacques et Pierre-Bertrand. Dense vers l'ouest de Henri-Bourassa à Laurentienne. Et sur la 20 ouest, on est à la route du président Kennedy jusqu'au chemin des Îles. Canadian Tire soutient Bon Départ. Bon Départ aide les familles à surmonter les obstacles financiers liés au sport et aux jeux. Donnez à bondepart.canadiantire.ca. En juillet, des films à la tonne débarquent sur Crave. C'est vraiment une mine d'or, là, comme truc. Du cinéma pour tous les goûts avec du drame, du suspense et une bonne dose d'humour. Une petite voiture, Alexandre? La dernière danseuse de cabaret avec Pamela Anderson, nommée pour le Golden Globe de la meilleure actrice. Le film Pêcheur, mettant en vedette Michael B. Jordan. Ville et Misérable, avec Pierre-Luc Funk et Fabien Cloutier. Oui, pas un beau party, ça. Ce mois-ci, regardez les meilleurs films de chez nous et d'ailleurs, c'est bon en Crave. On pourrait vous parler longuement des bienfaits de consulter l'équipe de Roy Métivier Roberge pour reprendre le contrôle de vos finances. Mais il n'y a rien comme entendre l'opinion d'un vrai client. Excellent service humain et compréhensif. Grâce à eux, vous serez soulagé d'un énorme stress financier et pourrez reprendre le contrôle de votre vie. Faire affaire avec l'équipe de Roy Métivier Roberge est la meilleure décision que vous pourrez prendre pour enfin vous sortir la tête de l'eau. Il existe des solutions à l'endettement. Roy Métivier Roberge, syndic autorisé en insolvabilité. Controverse chez les Canadiens de Montréal en 1980, alors que Mario Tremblay déclarait publiquement son intention de voter oui au référendum sur la souveraineté du Québec. Ben, tu vois, Jean, je pense que les partisans dans tout ça ont été frustrés. En parallèle, les gars de Black Sabbath avaient voté oui à l'unanimité pour se séparer d'Ozzy Osbourne et ses comportements erratiques. Lui qui pensait sa carrière terminée a pris son courage d'une main et la bouteille de l'autre et a composé un album qui allait devenir un monument de la musique heavy metal. 2025, 45 ans pour l'album Blizzard of Oz de Ozzy Osbourne. What? Plus de Ozzy. Hello there. Plus de fun. Plus de fun. How are you? Fine. Energy. Êtes-vous de ceux qui commencent la nuit bien à briller? Puis qui sortent une jambe, puis un bras, puis l'autre jambe, puis qui tournent l'oreiller de bord, puis qui poussent les draps par terre, puis qui terminent la nuit dehors couchés sur le balcon? Quand vous sentez la température monter, passez à la vraie fraîcheur grâce à Dormez-vous et leurs matelas, oreillers et articles de literie rafraîchissants. Durant l'événement Dormez au frais, obtenez jusqu'à 25 % de rabais sur presque tout. L'offre se termine bientôt. Dormez-vous, fièrement d'ici et avec vous pour tous vos déménagements depuis plus de 30 ans. Vous avez trouvé tout ce que vous cherchiez? Oui. Wow! Ah, ça, c'est les points Inspire de votre offre extra. Juste pour vous. Il y en a beaucoup. Et avec cette bouteille-là, ça en donne combien? On va voir. Oh, wow! Les points tombent bien à la SAQ pendant l'offre extra. Découvrez votre offre exclusive sur l'appli ou en succursale avec votre conseiller ou conseillère. SAQ, le goût de partager. 18 ans et plus. Détails sur SAQ.com. Trois provinces traversées et cochées sur la liste d'endroits à visiter. Six voyages en camping à se réveiller au chant des oiseaux. Une escapade au spa pour déconnecter. Enfin, presque. Mesurez la portée de votre Prius hybride branchable en nombre de souvenirs. Pas seulement de kilomètres, c'est leur Toyota. Pour un temps limité, vous pourriez obtenir jusqu'à 4000 $ en rabais gouvernementaux et incitatifs clients Toyota. Visitez achetezmatoyota.ca ou votre concessionnaire Toyota du Québec pour toutes les conditions. Cet été, embarquez dans la vague. H2O, c'est la plus grosse piscine à vagues au Québec, des glissades d'eau et des jeux d'eau. Et les mardis, c'est toujours moitié prix. L'Aquapark H2O, c'est sortie 189 de l'autoroute 40, voisin du karting Trois-Rivières. Aquapark H2O.com. À Québec, votre réveil, c'est la gang du Boost. Oui, allô, Jolie. Monsieur Minou, Sagittaire. Et vous avez un confrère ici que je vois en Jupiter. Il est déplaisant. Donc, évitez les affrontements avec ce déplaisant. Ah oui, mais le tabarnache, je vais pas le croiser. Vous lui ferez le message de la part de Monsieur Minou. Outre ça, ce sera une superbe journée. Bon, mais tant mieux. Merci beaucoup pour Monsieur Minou. Tous un bon coup, Ali. Ça, c'est un bon coup. Du lundi au vendredi, dès 5h25. 98.9 Énergie. Hey, toi, chaque goutte est importante. L'eau faut économiser. Pensez bleu. En hiver, comme en été. Pensez bleu. Cesse donc de la gaspiller. Dans ta salle de bain. Pensez bleu. Dans ta belle cuisine. Ouh, ouh. Dans ton beau garage. Pensez bleu. Sur ta belle pelouse. Pensez bleu. Pensez bleu. Chaque goutte est importante. Pensez bleu. Je suis certain que ça passe. Ah, j'en ai juste pris une. Pas besoin de casque, c'est pas loin. Tu ne veux pas que ce soit tes dernières paroles. À VTT, quand tu testes les limites, tu n'es plus en contrôle. Garde ta passion en vie. Un message du gouvernement du Québec. Pour en rire un bon coup. Pour du contenu exclusif, vidéo, stories. La communauté Insta la plus drôle à Québec. 9, 8, 9, Énergie. Encore choisi la mauvaise file d'attente? Bof, ça fait plus de temps pour écouter le balado du Boost sur iHeartRadio. Hey, salut Simon Delisle. Allô. Allô Kim Williams. Bonjour. Salut Ben Gagnon. Salut Ben. On est heureux d'être avec vous autres. Ah, c'est une belle journée aujourd'hui. Vous savez qu'on est là jusqu'à 18h. Il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui, mais la grande nouvelle dans le monde de la musique, pour ceux qui ne le savent pas encore, aujourd'hui, Ozzy Osbourne est décédé à l'âge de 76 ans. On en a parlé plus tôt avec Mike Gauthier. On va lui reparler tantôt. Alors, ça vous tente d'être là dans une vingtaine de minutes, mettons. Mike va être avec nous aussi pour pouvoir revenir sur Ozzy Osbourne, sa carrière et des anecdotes. Et à 18h, animé par Babu, spécial Ozzy sur les ondes d'énergie partout au Québec. Ça va être bon, ça. Ça va être taker. C'est sûr que ça va être super important de l'avoir. Le combat des classiques. Okay. Moi, je pense qu'aujourd'hui, j'ai la toune pour gagner. On va se faire ça dans quelques minutes. Mmh. C'est les vacances de la construction. Thématique de road trip. Ça vous tente-tu, la gang? Ben oui, parce que ça prend toujours de la musique quand tu pars en road trip. Complètement. Hey, on va avoir du gros fun avec vous autres. Ça vous tente de participer. Le road trip, là, vos spots secrets de road trip qui vont être, bon, moins secrets à partir de maintenant, mais ça reste dans la famille. Vous êtes incontournable. On est une grande famille. Est-ce que vous avez un spot où, tu sais, quand tu pars en road trip, tu fais comme là, on va arrêter là pour m'en dire, ben, je sais pas, une guédille au homard, un frite, aller voir un coucher de soleil ou peu importe. 514-790-094-3 1-800-665-5440 et le 6-12-12 pour y aller via les textos. Mais ça vous tente de le faire, on va le faire dans les prochaines minutes. En musique, R.E.M. Losing My Religion. Est-ce que vous saviez que le titre de la chanson, c'est une expression du sud des États-Unis qui signifie perdre patience? Non. Au lieu d'être une référence religieuse, je le savais pas. Moi non plus. C'est le fun, hein? On apprend des choses. R.E.M., c'est Rhythm Eye Movement, le mouvement que les yeux font exactement. Quand tu dors. Exactement. Les voici tout de suite à Énergie. R.E.M. Ever. whisper. Every waking hour, I'm choosing my confessions. Trying to keep eye on you, like a hurt, lost and blind. R.E.M. sur les ondes d'énergie, c'est l'Anthropos avec Kim, Simon et Ben. Et surtout vous autres, la gang, vous êtes en feu au 6-12-12. On va vous parler dans quelques instants. On vous demandait, en road trip, là, c'est quoi vos meilleurs spots secrets? Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, on voyageait en auto. Chez nous, c'était comme ça. On avait l'argent qu'on avait, puis c'était le fun, puis c'était tout le temps des belles vacances. Et j'ai grandi dans la région de Québec, puis mon père avait un spot, lui. Ce qu'il aimait beaucoup, c'était la région de Charlevoix. Ma mère aussi. Ben fait oui, que souvent, on allait dans le coin de Baie-Saint-Paul, la Malbaie, puis c'était le fun, puis c'était cool. Et je me rappelle que quand tu arrivais à Baie-Saint-Paul, quand tu passais la ville, puis tu allais, mettons, vers la Malbaie, il y avait une grande, grande côte. Puis dans la courbe d'en haut, avant d'arriver, mettons, dans le premier gros virage, il y avait une roulotte de patates frites dans le temps. Puis s'il y a des gens qui nous écoutent, là, qui s'en rappellent, je voudrais le savoir parce qu'elle n'existe plus. À moins qu'il y ait quelque chose de nouveau que j'ai pas vu depuis pas longtemps, là, mais elle n'existait plus. Mais mon père nous amenait là juste pour s'acheter un frite. Ou une frite, ça dépend de quelle région on vient. Là. Oui, parce qu'on te l'a dit au 6-12-12. Ouais. Quoi dit ça? Une frite. Mais à Québec, une frite, c'est une unité. Un frite, c'est l'ensemble. Un frite, c'est l'ensemble. Bon, tu peux bien dire ce mais que tu veux. Mais ça dépend des coins, tu sais. J'accepte les deux. Il y a des coins de frites, des fois. Hey, c'est des patates frites, OK? Ouais. Dans un sac brun. Comme tu veux, c'est des frites. Dans un sac brun, mon père demandait un sac plus grand. Fait que, mettons, il prenait format moyen, mettons, mais il pouvait vous mettre dans un large. Puis là, la personne, il vidait ses frites, il mettait du sel, du vinaigre, il brassait, puis là, il nous en donnait comme ça. Je me rappelle, comme c'était hier, je me rappelle de l'odeur, je me rappelle du soleil, de la grande baie de Baie-Saint-Paul qui est magnifique. Pour moi, ça, c'est impérissable. Ça va tout le temps rester, tout le temps. Impérissable, pardon. Ça va toujours rester comme souvenir. T'sais. Vous autres, ce que vous en avez? Mais c'est vrai qu'il y a des cantines comme ça qui ont changé aussi avec le temps. Puis je pense à M. Patate qui est à Varennes. T'sais, des fois, quand tu étais sur la Rive-Sud, tu faisais un détour. Mais là, elle a déménagé de place. On dirait que c'est plus pareil. C'est pas pareil, c'est pas la même c'est chose. Ça, même quoi que tu parlais, Ben, la Malbaie, fromagerie Saint-Fidèle. Oh mon Dieu. Font le meilleur fromage en guerre, à mon avis, au Québec. Puis je viens du Saguenay, là. Ça vaut le détour, là. Si tu passes par Charlevoix, tu t'en vas même vers la Côte-Nord, prendre le traversier à Tadoussac, tu passes devant Fromagerie Saint-Fidèle. Mais tu sais qu'avec ce que tu viens de dire, là, dans le parc des Laurentides, ils te bloquent le chemin maintenant. Oui, c'est fini. Tu peux retourner. C'est fini, j'ai barré chez vous. Non, là. Mais ça appartient à Boivin aussi, cette fromagerie-là. Ah, maintenant. Avec tu vois, c'est délicieux. Toi, je me suis rattrapé, pas pire. En road trip, là, vos meilleurs spots secrets. Hugo à Saint-Paulin. Salut, mon gars. Salut, ça va? Ça va super bien. Es-tu game de nous partager un spot secret, moins secret à partir de maintenant? Yes, ça s'appelle Eldritte à cause à Saint-Denis de la Bouteillerie à Kamouraska. Dans le fond, c'est deux anciens collègues qui ont parti ça. Eux autres, dans le fond, ils cuisinent leur recette de tacos avec la morue qui vient du Bois-Saint-Laurent. Oh, mon Dieu! Dans le fond, ils font leur tacos de porc et de bœuf, des éleveurs locaux, ils en font des champignons. Dans le fond, ils utilisent quasiment 90% de leur ingrédients, c'est local. Cette année, ils ont mis juste des vins québécois ou sinon des vins nature. Bravo! Ils font des petites boissons, des petits les eaux aromatisées. Tu peux racheter un petit shooter de tequila. Ils font des popsicles maison pour les enfants. Ah! Place, pour vrai, si vous pensez à Kamouraska... T'as eu l'attention de Kim à tequila, oui. Là, à virer de bord. Là. Ah, finalement, ça m'interpelle. Tu dis Saint-Denis de la bouteillerie. Il doit avoir quelque chose à boire là. Tout est local, c'est magique. Ah, c'est magique. Wow, j'adore ça. T'es fin, Hugo, parce que je connaissais pas le Eldré Tacos à Saint-Denis de la Bouteillerie. Puis en même temps, on va faire mes recherches parce que ça vaut le détour, c'est sûr. C'est-tu comme ouvert... Excuse-moi, c'est-tu ouvert à l'année ou c'est une cantine qui est ouverte juste l'été ou c'est à l'année? L'été, je sais que l'hiver, je pense qu'ils font comme des poulets rôtis, des affaires de même. Comme c'est une couple de jours semaine, là, mais la cantine, c'est plus l'été. Là, mais ils ont eu des bonnes recommandations là, par des foodies de Radio-Canada. C'est sûr. Peut-être bientôt d'énergie aussi, qui sait. Hey, on n'aura pas le choix d'aller se virer. Hugo, t'es fin, merci beaucoup. Bye, bonne journée. Merci. Salut. Je connaissais pas ça. Ben, moi non plus, je connaissais pas Saint-Denis de la Bouteillerie. Non plus. À Trois-Rivières, Christiane est là. Salut, Christiane. Salut. Toi, t'as un bon spot à nous partager? Oui, mais là, je vais être en confusion ou en je sais pas si on va chicaner, moi, puis le petit gars de Saguenay. Ben, non, moi, je chicanera pas parce que je le vois ce que tu vas suggérer, puis je suis absolument d'accord avec toi. Vas-y donc, voir. Bon. Le fromage Saint-Laurent à Saint-Bruno, au lac Saint-Jean. Ben oui, c'est un classique, ça aussi, là. Oui. Oui, c'est un classique. Quand on était jeunes, on partait le dimanche après-midi avec nos parents. Ils nous achetaient du fromage pas fini, pas salé, avec une bouteille de Coca-Cola puis du sel, puis on allait